mais il faut faire déménager ben simple, il faut du monde à chaque palier évolutif pour créer le mouvement. C'est ça le sens de l'évolution. Pourquoi l'évolution est faite de même? Comment tu veux dire? Pourquoi c'est pas fusionné tout de suite? Il y a du monde à chaque niveau de conscience. Tu sais, comment ça, l'énergie est bien forte, le palissade même en pointe. Il y a des paliers. Ça crée. C'est ça qui crée le. C'est ça l'essence de l'évolution. Pourquoi l'évolution est faite de même? Comment tu sais, c'est le mouvement. Ça crée un mouvement. Qu'il y ait du monde à chaque. Ça serait fusionné à la pluie. Si t'as fusionné, tout le monde se crissera tout le monde. Si tout le monde est à fusionner ici, chacun partira dans sa direction pour un travail quelconque, pour une œuvre quelconque, sur un plan quelconque. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme une espèce de mouvement là-dedans. Tu fais que l'énergie descend. Ça crée un mouvement. Ensuite, elle descend. Si l'énergie, elle resterait là, centrée, tu sais, ça ferait, je sais pas en termes de ce que ça ferait, mais il n'y en aurait pas d'évolution, il n'y en aurait pas de race, il n'y en aurait pas de race plus ou moins évoluée. Ça va, ça, ce que j'essaie d'expliquer? Ouais, ouais. Et puis ça rejoint c'est parce que j'essaie de comprendre en arrière de l'évolution, pourquoi l'évolution? L'évolution à ce moment-là, c'est juste un mouvement, comme t'expliquais, après tout est mouvement. L'évolution, c'est un mouvement qui crée la possibilité de perfectionner les systèmes de plus en plus. Les systèmes les plus bas comme les systèmes les plus hauts. Cette recherche de perfectionnement-là qui crée le mouvement et qui crée la vie. Oui. C'est juste. C'est ça, je veux dire. Oui. Ça, c'est lié à l'évolution de chaque individu. Mais on voit que c'est par rapport à l'expérience. Pardon? Par rapport à l'expérience, l'être va chercher, l'homme va chercher. C'est toujours par rapport à l'expérience. La valeur de la fusion, dans le cosmos, c'est que dans la fusion, la qualité de la fusion, c'est que tu n'as pas besoin d'expérience. Tu es expérience. Parce que tu es dans l'instantanéité du mouvement. Mais tant que tu n'es pas fusionné, tu as besoin de l'expérience. Parce que l'expérience t'amène à un plus haut taux de vibration. T'es obligé de percer des plaies. Tu perces des plaies. T'es perces. Tandis que dans la fusion, tu n'as pas besoin d'expérience. Tu es toujours dans l'instantanéité du mouvement. Parce que tu n'as rien d'astral. La raison pour laquelle l'homme a besoin d'expérience, parce que l'homme est rattaché astralement à la mémoire du temps. Tandis que quand tu es en fusion, tu n'es pas attaché astralement à la mémoire du temps. Tu te sers de l'énergie dans le temps. Autrement dit, tu te sers du mouvement instantanément sur quelque plan que ce soit pour faire ce que tu as à faire. Puis ce que tu as à faire coïncide toujours avec la perfection de ce mouvement-là, qui est son rapport instantané sur un plan inférieur. C'est pour ça que tu n'as rien à apprendre. C'est toujours dans l'instantané, puis dans l'instantané, puis dans l'instantané, puis dans l'instantané. Tandis que l'expérience est toujours liée au passé de l'émotion. Toujours. Gardez n'importe quelle de vos expériences, vous allez voir que vous allez dire, ah, j'ai compris quelque chose. Tandis que quand tu es fusionné, tu ne peux pas dire, ah, j'ai compris quelque chose. Comment tu dis? Parce que tu n'as pas besoin d'expérience pour comprendre. Moi, pour moi, dire, ah, j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose le 2 ans ou j'ai compris quelque chose le 1 semaine. Pour moi, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'il n'y a pas de sens dans mon évolution. Tandis que dans votre évolution, il y a un sens, il y a une direction. Ce que vous appelez, vous autres, l'évolution planétaire. Fait que vous regardez, vous une semaine, vous un mois, puis vous voyez que vous avez appris quelque chose, vous avez compris quelque chose. Mais quand tu es fusionné, quand tu regardes, vous le 10 ans, moi, je regarde, vous le 10 ans, quand j'ai été fusionné en 69, puis je regarde aujourd'hui, je suis le même homme. Mon comportement change. Je suis le même homme. Parce que c'est toujours dans l'instantanéité du mouvement. C'est ça, la fusion. C'est l'outil. C'est l'outil même de l'évolution. Tu sers comme outil, effectivement. Tu sers comme outil parce que tu crées, tu amènes sur le plan inférieur le mouvement. Tu génères sur le plan inférieur du mouvement. Fait que c'est un outil. Mais c'est encore drôle de parler d'outil. Parce que quand tu parles d'outil, tu parles de servitude à une main qui tient l'outil. Voilà. C'est mauditement subtil, les mots. Vous autres, vous vous permettez, vous permettez de parler humainement. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas capable de dire. Moi, je ne peux pas me permettre de parler humainement parce que j'ai aucune notion de valeur. Tandis que vous autres, quand vous parlez, vous avez une notion de valeur quelconque. Moi, j'en ai pas de notion de valeur parce que je ne suis pas rattaché à la force. Fait que toi, si tu me dis que tu es un outil, il faut que je la pète. Tu me dis quelque chose, il faut que je le pète. Tu me dis d'autres choses qui est fantastique, il faut que je le pète. C'est comme ça que l'intelligence détruit la connaissance. C'est comme ça que je vous amène à votre intelligence. On a dit, vas-y. Quand t'es un être. Moi, je suis comme un chat qui regarde une souris. Fait que la souris soit rose ou blanche ou verte ou bleue, c'est deux souris pareilles. La maudite, je la mange. C'est comme ça, vas-y. D'accord. Je peux pas faire autrement. Je vide. Parce que l'intelligence détruit toujours la connaissance. Un des plus grands mystères de l'homme est lié au fait que l'homme pense que la connaissance est utile. Elle n'est pas pantoute. C'est pas utile, pantoute, la connaissance. Il faut que ça soit détruit. Quand l'homme aura détruit la connaissance, il sera dans le mien. Dans le mien, tu n'as pas osé d'être dans la connaissance. Tu es dans le mouvement d'énergie. Tu crées. Comment vas-y? Au lieu d'apprendre, de toujours être obligé d'apprendre dans la maudite expérience, de pas. T'as plus besoin. De tout m'acquérir des formes et tout pour apprendre. Exactement. Pour embellir, pour perfectionner, pour harmoniser. C'est tout nuage entre le jardin et le soleil. Non. Non. Hein? Au lieu d'être un mouvement. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est un dieu. Parce que l'homme devient créateur. L'homme est dans l'énergie du mouvement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on l'est plus dans l'énergie du mouvement? On l'a-tu déversé? On l'est plus ou on l'a enlevé? L'âme. L'âme de l'homme a déjà été dans l'énergie du mouvement. Mais quand l'âme est descendue dans la matière, puis que la matière s'est densifiée, que l'homme a perdu son pouvoir de sortir, à volonté, que l'homme a été soumis à la mort mortelle, L'homme automatiquement a perdu sa capacité d'être dans l'énergie du mouvement parce que sa conscience astrale a survécu à l'impotence de l'esprit de l'âme. L'impotence de l'esprit de l'âme, c'est l'impotence de l'âme de spiritualiser parfaitement la matière. Parce que l'esprit de l'âme, c'est la construction instantanée de la lumière dans l'esprit de l'âme. C'est qui est l'ego transmuté. Qu'est-ce qui a permis que l'âme descende comme ça, la lumière? Parce que l'âme a été attirée par les formes sur le plan matériel. Non, mais dans l'original, quand il y avait seulement que la lumière, il n'y en avait pas de forme. Regarde, c'est subtil, la connaissance. Maudit que c'est subtil. Tu dis, comment c'est que tu viens de dire ça? Il n'y en avait pas de forme. Il n'y en a pas toujours eu des formes. Ouais. Il y en a qui sont venus là pour les créer. Ouais. Et qu'est-ce qui a permis que l'âme qui savait qu'elle était mieux dans la lumière, souffrait dans les formes? L'âme ne sait rien. L'âme, c'est une énergie. Puis lorsque l'âme descend dans la matière, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est un mythe, ça. L'âme ne descend pas dans la matière. C'est l'ego qui descend dans la matière. L'âme nourrit les principes, donne de la vitalité aux principes. L'âme, c'est multidimensionnel dans le temps, l'âme. L'âme, c'est sur le plan mental, c'est sur le plan émotionnel, c'est sur le plan vital, c'est sur le plan physique. L'âme, c'est une énergie. L'âme, ça fait partie de l'énergie. Crée une forme. L'âme va faire vibrer cette forme-là. Fait quand la forme de l'homme a été créée, quand les formes, les principes invisibles de l'homme ont été créés, déjà à partir du plan éthérique, l'âme les a fait vibrer. Parce que l'âme, la fonction de l'âme, écoutez bien celle-là, la fonction de l'âme, c'est d'instruire la forme, vibratoirement. La fonction de l'âme, c'est d'instruire, de donner une dynamique à la forme, de la faire vibrer la forme. Faire vibrer la forme mentale, faire vibrer la forme émotionnelle, faire vibrer la forme éthérique, vitale, physique. C'est ça la fonction de, de l'âme. L'âme, c'est le Dieu dans l'homme. Mais au fur et à mesure que l'homme a évolué, que les corps se sont développés éthériques, vitales, whatever, astral, mental, tous les corps, au fur et à mesure que l'homme est devenu plus ce qu'on est aujourd'hui, la densité matérielle a emprisonné l'âme. Elle ne pouvait plus ressortir à volonté parce que les formes inférieures étaient trop denses. C'est ça qui a fait que l'homme est devenu mortel. C'est ça qui a fait que l'ego était obligé de corriger son évolution parce que sa mémoire n'était pas parfaite, parce que ses actions n'étaient pas parfaites, parce que ses actions étaient déterminées par ses sens. Mais une fois que alors, l'ego évolue, puis éventuellement, ça c'est un point important, éventuellement, l'ego se perfectionne tellement qu'on dit qu'il est sur le plan de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire que l'ego est sur le plan de l'âme? L'ego est sur le plan de l'âme quand l'intelligence de l'homme est suffisamment avancée pour ne plus retarder le mouvement vibratoire de l'âme. À ce moment-là, l'ego et l'âme sont un. À ce moment-là, l'homme, l'être, l'ego, devient un être descendant. Donc là, il descend. Supposons qu'il descend sur une planète inférieure, une planète d'âme, comme la Terre. À ce moment-là, l'ego descend. Les corps sont parfaitement construits, parce que l'ego a de l'expérience. L'âme rentre dedans. Il y a une harmonie parfaite entre l'âme et l'ego. L'homme est dans le mouvement vibratoire de l'âme. On appelle ça une fusion. Mais il a fallu par exemple qu'il densifie, c'est dans le processus qu'il faut densifier densifier l'astral, tout ça, pour aller chercher l'expérience. Oui. Parce que sans ça, il peut pas retourner. Ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience. Mais si l'homme n'avait pas passé par l'expérience, l'ego de l'homme n'aurait jamais été sur le plan de l'âme. Parce que l'homme n'aurait pas eu d'ego. L'âme, au début, quand elle descendait, autrement dit, l'âme, au début, quand elle faisait vibrer les principes primordiaux originaux de l'âme, l'homme n'était pas un être tel qu'il est aujourd'hui. Il n'était pas construit, il n'y avait pas tous ses principes, la charpente, il manquait quelque chose. Fait que l'homme, pour que l'homme devienne créateur, il fallait qu'il passe par toutes les étapes de l'expérience pour que se développe l'astral, le mental, l'inférieur, et ainsi de suite. Une fois que ça s'était fait, que l'expérience était suffisamment développée, à ce moment-là, l'ego était sur le plan de l'âme. Et c'est ça la sixième race. L'ego étant, dans le fond, la définition la meilleure de la sixième race, c'est que les égos sont sur le plan de l'âme. Une fois que l'homme était sur le plan de l'âme, à ce moment-là, l'âme et l'ego pouvaient travailler ensemble. Autrement dit, l'ego pouvait avoir le pouvoir, peut avoir le pouvoir de se servir de l'énergie de l'âme à volonté, ce qui rend l'homme un créateur. Mais si l'homme n'avait pas passé par l'expérience, il n'y aurait pas eu l'ego pour se servir à volonté de l'énergie de l'âme. Autrement dit, sur la Terre, sur les blobs, dans la galaxie, il n'y aurait jamais eu de science. Non. Parce que la science, telle que la conçoit l'homme, c'est pas la science telle que la vivra l'homme. Bon, vous dites, qu'est-ce que c'est la science? La science, c'est quatre choses. La science, c'est l'application sur un plan dense de la perfection. La science, c'est l'application sur un plan dense du pouvoir du mouvement. La science, c'est la construction sur un plan dense de forme parfaite. La science, c'est la capacité de créer sur un plan dense une évolution qui retourne vers la lumière. Autrement dit, qui engendre constamment de la lumière. C'est ça, la science. Combien de la lumière, c'est ça qu'on n'est pas resté? Je vous l'explique. Il y a l'âme et l'âme. L'âme, la vie et la lumière, l'âme et lumière. Mais l'âme, au cours de l'évolution de l'ego, a acquis l'expérience. En acquérant de l'expérience, elle est devenue plus apte à raisonner avec l'ego. De sorte qu'aujourd'hui, comme mon âme, raisonne avec mon ego. Il n'y a pas de séparation entre mon âme et mon ego. De sorte que si mon ego veut faire telle chose, mon âme lui fournit l'énergie. De sorte que ça permet à un homme sur le plan matériel de créer. Si on n'avait pas vécu ça, l'âme sera restée là, il n'y aurait jamais eu d'âme. Parce que, écoute-le bien, le mouvement de la lumière est absolu et parfait. Quand le mouvement est absolu, il contient déjà la question dans ton esprit. La question étant déjà dans ton esprit implique qu'il y a déjà une réponse. Pour qu'il y ait réponse à ta question, il faut qu'il y ait une concordance dans le fait cosmique qui est la création de l'âme. Ça tient tout le bout, ça? Bernard. Tu peux pas avoir de questions, tu peux pas avoir de concordance à ta question. Si tu demandes une question, il faut qu'il y ait un fait cosmique qui coïncide avec ta question. Alors, si tu demandes si la question existe, pourquoi l'homme, il faut que l'homme soit. Mais tout ça, là, les formes, l'âme, l'homme, tout ça. Oui. Pourquoi? C'est juste un jeu de l'esprit. C'est un jeu de l'esprit. C'est pour ça que je vous dis. C'est ça. Un jour, vous comprendrez un jour pourquoi c'est essentiel à l'homme de ne pas penser. Parce que quand tu ne penses pas, tu es plus pris dans le jeu de l'esprit. L'homme, c'est pas le penser. Le plus dur pour l'homme, ça va être de découvrir qu'il est une illusion pour lui-même. C'est ça. Exactement. La création de l'homme ne s'est pas pensée, elle s'est faite. Pardon? La création de l'homme ne s'est pas pensée, elle s'est faite. Elle s'est jamais pensée. Elle s'est faite. Donc, il faut pas penser, ça fait partie. Je t'apprends à m'enrouler. Mais pourquoi les jeux de l'esprit? Les jeux de l'esprit existent parce que l'esprit est irrationnel. Parce que l'esprit est irrationnel. Ça, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit que l'esprit est irrationnel, ça veut dire deux choses. L'esprit est irrationnel parce que l'esprit descend toujours dans la matière et retourne à l'esprit. Si l'esprit n'avait pas à descendre dans la matière pour retourner à l'esprit, l'esprit ne sera pas irrationnel. À ce moment-là, l'esprit sera lumière. La lumière n'est pas irrationnelle parce qu'elle ne descend pas dans la matière. C'est pour ça que l'homme, un jour, quelque part dans son évolution, il faut qu'il ait contact avec la lumière. À ce moment-là, s'il a contact avec la lumière, il détruit en lui le rationnel, il détruit la pensée. Et il détruit les jeux de l'esprit. Automatiquement, il détruit les jeux de l'esprit. C'est ça. Exactement. Les formes. Qu'il y a des formes. Exactement. Ça va toute partie des jeux d'esprit. C'est ça. Ça, c'est le genre de petite affaire qui a besoin d'être habité là-dedans. Il faut créer des. Ça fait partie des jeux d'esprit. C'est comme des bonhommes dans un film, en fin de compte. Il faut qu'ils vivent, puis c'est. La vie inconsciente, astrale ou mentale inférieure, c'est un film. Oui. C'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est pour ça que quand t'es conscient, tu sais tout. Ça veut dire que quand t'es conscient, tu sais rien. Comment tu veux dire? Tu sais tout parce que tu sais rien. Autrement dit, t'es pas pris au cinéma. Toi, tu sais quelque chose parce que t'es pris au cinéma. Moi, je sais rien parce que je suis en dehors du cinéma. Fait que je sais tout. C'est jeux de l'esprit, ça crée des formes pour faire monter jusqu'à un niveau de conscience. Exactement. Pas conscient. Exactement. Il faut passer à travers ça. Ben, c'est ça, la conscientisation dedans. Parce que moi, je vois ça comme étant comme un bateau qui traverse sur le bord. La grande métaphore hindoue là, qui dit, tu prends ton esprit, si en fait compte, c'est le bateau qui te traverse à l'absolu. Et moi, je vois ça comme étant le passage, en fait compte, garde la lumière. Mais l'esprit a eu besoin de passer, de traverser sur le bord de la rivière, puis là, il faut qu'il revienne. Oui. Mais c'est que le bateau, il ne faut pas l'emmener avec soi. Non. Il faut qu'il reste là, puis une fois qu'il est fini, tu l'oublies, puis pour il est là, puis c'est fini. Ouais, ouais. Moi, j'ai une question, là. Ça fait pour mes amis, tout ça là, que tu viens d'expliquer, là, à quoi ça sert, d'où ça vient, pourquoi c'est là? Quoi? Fait que tout ce que tu viens d'expliquer, là, ce que je viens d'expliquer, ça sert à quoi, ça vient d'où, ce qu'on voit, que ça va donner, pourquoi ça existe, que c'est ben, ça? Ben, j'oublie. Oh, non, non, non. Ce que je... tant que je vais vous parler avec des mots, mes mots vont servir à déjouer votre esprit. Mes mots vont servir à vous faire réaliser que vous êtes dans le cinéma de votre esprit. Jusqu'à temps que vous soyez tellement écœuré d'être dans le cinéma de votre esprit que vous allez sortir du cinéma de votre esprit. Autrement dit, que vous allez sortir de la pensée subjective. Mais si je ne le faisais pas, vous ne pourriez pas sortir. Parce qu'il faut que quelqu'un te le dise que t'es dans le théâtre. Tu comprends? Parce que le film est bon, maudit. Il y a de l'action. Tout le monde se sont rencontrés à Dallas. Dans le cadre de la demande de votre question, c'est sans important. La chose, c'est ça, ça, c'est important. De comprendre ça. C'est de le sentir intérieurement. Aussitôt que vous attachez à quelque chose, vous attachez à quelque chose. Non, pas attaché. Alors, quand vous me demandez une question, vous attachez à quelque chose. C'est une femme que vous avez besoin de nourrir pour sécuriser une émotion qui est à la base de la forme qui vous fait demander la question. Parce qu'à un moment donné, on y va, on fait la dignité. On pense qu'on est en fait, puis à un moment donné, on se dit, ben, hey, qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends plus rien. Voilà, c'est ça. C'est là, c'est là que vous commencez à avancer. Je veux savoir qu'on peut question. Ben, l'assurance, elle est là. Vous vous ça fait partie de cette transmutation. D'abord, j'ai envie de dire quelque chose. Il est inutile de chercher une raison ou des raisonnables. Je pense que t'en as dit assez pour poser cette question. Alors, continue. Oui, ça c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est pas essentiellement réel. Parce que les gens ont besoin encore d'être nourris de certaines formes pour les amener à détruire d'autres formes. C'est vrai, mais c'est pas réel. Ouais. C'est vrai, mais c'est pas réel. Parce qu'on n'a pas encore suffisamment dans notre énergie pour pouvoir tenir le garder. Parce que c'est toujours vous autres qui déterminez la façon que je parle. Pas moi. Moi, je parle toujours suivant vous autres. Compte tenu d'un dénominateur commun de conscience, naturellement. Si j'étais avec vous autres personnellement, peut-être que je parlerais autrement. Mais dans un groupe quelconque, c'est toujours vous autres qui déterminez la façon que je parle. Parce que la façon que je parle est toujours en relation avec votre niveau de conscience, votre conscience, vos émotions, votre mental. Au juste temps. Pardon? Au juste temps. Ouais, au juste temps. La tonalité, c'est important. Ouais. Tout ce que c'est comme un petit joue Pierre, tout ça c'est correct, la vie, j'embarque dedans, tout ça bien formel. Bon, je sais qu'on a un play, une game à jouer, puis la joue, c'est bien cool. Mais un coup qu'on va tout avoir fini ça, ben si on va finir de ce coup. Quand on va avoir, je sais pas, moi, tout atteint le top du top de tout le kit. Il n'y en a pas de top. Il n'y en a pas de top. Moi, je comprends pas pourquoi tout ça, ça existe. Quoi? Ça, cette affaire-là. Tout ça, je sais pas comment le décrire. Oh, ouais. Moi, là, non. Tu sais, moi, j'ai jamais compris pourquoi on vivait. J'ai toujours trouvé ça une niaiserie. C'est pas niaiseux, vivre. Pas que c'est niaiseux. Vivre, c'est le fun. Ah, c'est sûr, quand tu passes bon pour vivre, tu n'en veux pas gagner. C'est le fun. C'est pas vivre, ça, c'est décider. Vive! C'est plaisant, vivre. Que tu sois sur le plan matériel ou que tu sois sur un autre plan, vive. La vie, c'est la vie. Le mouvement d'énergie dans tes principes, la manifestation de cette énergie-là à travers tes principes, c'est toujours plaisant. Quand tu manges, c'est plaisant. Marcher, c'est plaisant. Parler, c'est plaisant. Vive! Mais c'est pas normal de le faire comprendre. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ça fait partie de la question psychologique de l'être, ça. Ouais. Devant le non-sens psychologique de la vie. C'est ça. Arrête d'y penser. On va se marrer un petit peu? La culpabilité. C'est aucune affaire de culpabilité. T'sais. La culpabilité, c'est un mécanisme dont se sert l'ego pour se donner l'illusion qu'il agit bien ou qu'il agit correctement. Puis dans cette illusion-là, il y a une autre illusion qui sert à maintenir dans l'ego une sorte d'équilibre émotionnel. Un ego qui n'est pas fort, un ego qui n'a pas beaucoup de volonté, là, puis qui n'aurait pas de culpabilité, il se désintégrerait. Parce qu'il ne pourrait jamais supporter par lui-même, sur ses propres épaules, la valeur de son action. Puis à un certain moment, il questionnerait. Il se penserait réellement un être probe ou un être. Fait que la culpabilité, ça lui permet de rebalancer la vibration. La culpabilité, c'est un des grands mécanismes de l'évolution. D'ailleurs, c'est un mécanisme de l'évolution qui permet à la société de se maintenir dans sa forme. Aussitôt que la culpabilité part, la société commence à se désintégrer. C'est pour ça que les religions, les sociétés anciennes, les sociétés archaïques ont tout un système de tabous puis de patentes pour donner aux égaux en évolution dans cette société-là, il y a une certaine cohésion avec les autres égaux. Sans ça, les hommes auraient tous vivraient des tranchements de cœur, quelque part. Dans la volonté, il y a l'expression de la compétitivité, de l'agressivité. Je peux penser que la compétitivité, c'est intelligent, l'agressivité. La combativité, ça fait partie de l'élément essentiel de l'intelligence de l'ego. Tandis que l'agressivité, ça fait partie de l'élément essentiel de l'émotivité de l'ego. L'agressivité, c'est émotionnel. La combativité, c'est mental. Mental inférieur, c'est mental. C'est la combativité de l'ego qui permet la progression de la société. C'est l'agressivité de l'ego qui crée des chocs dans la société et qui amène la société à des changements. Et l'agressivité a toujours un prix, tandis que la combativité crée un élan, donne un élan à la société. C'est positif la combativité, mais la créativité c'est considéré comme négatif. Mais quand l'ego rentre dans la volonté cosmique, il peut apparaître comme étant agressif, mais il apparaîtra jamais comme étant combatif. Parce que son plan d'intelligence change. Et la seule énergie dont il va se servir pour faire passer l'énergie de la volonté, c'est le plan émotionnel. Sur le plan mental inférieur, il ne fonctionne plus parce qu'il perd la faculté de penser. Il est voué à travailler les illusions de la forme. Fait que sur le plan du mental, il ne fonctionnera plus. Mais il peut fonctionner sur le plan de l'émotivité. Mais seulement en apparence. Tu sais ce qui se passe quand à un moment donné une personne peut être connectée télépathiquement avec d'autres personnes, puis que pendant disons, une échelle de temps X, il sent certaines vibrations à distance, puis qu'il voit manifester une volonté, mais il ne sait pas quoi faire avec. Il ne sait pas comment manifester cette volonté parce qu'il n'est pas. Il n'est pas dans une situation qui prend un comportement. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les circonstances physiques qui prend un comportement. Il peut fonctionner par instinct, mais il fonctionne comme un aveugle justement. C'est quoi la question? La question, oui, c'est comment est-ce que tu peux manifester de la volonté quand tu ne sais pas ce qui se passe. Question intéressante. Quand tu es conscient? Ça peut être problème. C'est bon. Quand tu sais ce qui se passe, parce que c'est pas un ajustement. Quand tu n'es pas conscient, tu n'as pas besoin de savoir ce qui se passe. Parce que tout ce que tu fais est en relation avec ce qui se passe. Même si tu ne sais pas ce qui se passe. Pour moi, c'est le lien. C'est si tu ne sais pas ce qui se passe, tu peux paralyser pour descendre la volonté, donc c'est voulu. Non. Si tu ne sais pas ce qui se passe, puis tu n'as pas besoin de savoir ce qui se passe. Bon, je le remets d'une autre façon. Si tu sers à ta volonté, si tu fonctionnes dans la volonté, tu n'as jamais besoin de savoir ce qui se passe parce que tu n'as jamais besoin de remplir le rôle de la volonté pour attribuer à ton ego une conscience de l'acte. Le justifier. Le justifier. Quand tu agis consciemment au niveau de la volonté, tu n'as pas à justifier rien. Tu agis, c'est tout. Donc, automatiquement, ton action justifie tout. Parce que ton action est juste. C'est pour ça que ton action justifie tout parce qu'elle est juste. Parce qu'elle est précise. Mais elle ne justifie rien. Parce que ton ego est pas dit. Tout revient au jeu. Tout revient au fait que tu fonctionnes dans l'ego ou en dehors de l'ego. Mmh. Si tu fonctionnes dans l'ego, tu justifies tout pour donner à l'ego une valeur de ton acte. Si tu es en dehors de l'ego, tu justifies rien pour donner à ton ego la valeur de ton acte, mais tu justifies tout parce que tout est justifiable, parce que ton action est juste. Mmh. Mais tu peux... Tu peux ressentir une vibration de la volonté, puis retomber comme tu dirais dans l'ego en cherchant la justice. Tu n'es plus dans la volonté à ce moment-là. Dans la volonté. Non, tu es dans la détermination. C'est ça. C'est-à-dire que si tu cherches à savoir ce qui se passe, pour exprimer une volonté, tu n'es pas dans la volonté. Non. Ça, je l'avais dit. Non. Exactement. Parce que la volonté est essentiellement prépersonnelle. Donc, si tu cherches à savoir ce qui se passe, c'est parce que tu n'as pas à l'exprimer la volonté. C'est pas dans ton plan si tu... Il y a quelque chose avant ça, il faut que tu dises. Pour bien exprimer ce que tu veux dire. Parce que tout est bien harmonisé, et tout est bien agenté. Ça fait que si tu as des pensées pour savoir chercher ce qui se passe, ça veut dire pourquoi tu descends de la volonté, tu le désagences. Ça nuirait à l'harmonie. Tu peux pas la descendre. Tu peux pas, anyway. Ouais. Puis si tu peux pas la descendre, c'est parce que tu n'as pas l'harmonie de l'intelligence du temps. Ça veut dire que tu travailles pas avec le temps. Tu ne travailles pas avec l'énergie. Tu ne travailles pas avec le mouvement de l'énergie qui est toujours dans son temps. Parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils se produisent, il ne faut pas que tu fasses interférence. Ouais. Il faut que ça se produise dans son temps. Pas dans ton temps. Nous autres, les hommes, on cherche à justifier nos actions parce qu'on a besoin de comprendre nos actions. Pour en avoir une valeur émotive qui satisfait à l'équilibre de notre ego. Mais quand l'homme est conscient, il n'a plus à justifier ses actions parce qu'il peut être intéressé à la qualité de ses actions. Parce que son ego est désengagé. Fait qu'automatiquement, il n'est plus intéressé à justifier son action. Puis n'étant plus intéressé à justifier son action, il est capable d'agir sans penser à son action. Ce qui le libère. Sans la forme de l'action. Dans l'énergie. Ouais. C'est pour reformuler sa question, si ça a une influence quelconque, je ne sais pas ce que c'est la nature qui est dans le sentiment de sa volonté. Question intéressante. Dans sa volonté subjective. Quand on ressent une influence quelconque, c'est parce qu'on n'est pas dans la volonté. Être dans la volonté, c'est être dans le mouvement. Puis c'est instantané, ça. Fait que quand tu es dans le mouvement, tu peux pas ressentir une influence quelconque, c'est impossible. Parce qu'en même temps que tu es dans la volonté, puis tu es dans le mouvement de l'énergie de la volonté, tu es aussi dans l'intelligence de la valeur du mouvement. Donc, instantanément. Donc, il n'y a rien qui peut t'influencer. En attendant, tu en arrives à ça. Et t'as pas les pensées qui font interférence? Non. C'est pour ça que t'as le mouvement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans l'ésotérisme et ainsi de suite, là. Les sciences occultes qui cherchent à se protéger. Dans le fond, ils se protègent pas. Ils se nuisent. Ils pensent qu'ils se protègent. Parce qu'ils justifient leur action devant leur ego. Mais ils se protègent pas. Ils se nuisent. Ben, effectivement. Parce que ta personnalité n'est pas au service de ton esprit, est au service de la forme de la magie pour amplifier dans ton ego la valeur de l'acte, qui sécurise ton ego dans l'action de sa propre spiritualité magique. Pardon? Gars, c'est subtil, ça. Hein? Moi, j'ai vécu cette matinée avec ça. Ah, ah. Parce qu'un balancement d'énergie, ça veut dire que t'as 6 aligné dans l'avec fort. Ouais. Ouais. Un mouvement de pendule, si tu t'occupes du mouvement de gauche à droite, t'as pas le temps de penser au pendule qui est accroché à un troisième point. T'es impris dans ce mouvement-là. C'est pas ces mouvements-là qui comptent, c'est celui-là qui tient tout le reste. De le voir, d'en être affecté, d'en voir les modalités, mais t'en es pas libéré. Moi, j'ai rien contre la magie noire. J'ai rien contre la magie blanche. Parce que la magie noire, c'est intéressant. La magie noire, c'est une science qui permet à l'ego de renforcer l'ego. Fait que la magie noire, dans le cadre de l'évolution, c'est propre à la dissolution du lien entre l'âme et la conscience éthérique de l'homme. C'est pour ça que la magie noire est venue pendant la période astrale de l'Atlantide. Mais ça. La magie noire durant l'Atlantide a servi à intégrer l'âme dans la matière. À rendre la matière le dominion de l'esprit. Pour faciliter le passage de l'énergie invisible, de l'énergie cosmique dans l'homme. De sorte que la magie noire était essentielle. Seulement, la magie noire était destructive aussi. Parce qu'elle empêchait l'homme d'avoir contact avec la lumière. Parce qu'elle renforçait son ego. Alors, de là est venue la magie blanche, pour contrebalancer. De sorte qu'éventuellement, l'homme a été pris au niveau de ses incarnations entre la magie noire et la magie blanche, la magie noire et la magie blanche. Il y en a qui sont passés de la magie noire à la magie blanche, parce que la magie, c'est la magie. C'est la manipulation des énergies. De sorte qu'avec les temps, on est fini avec deux magies, la magie noire et la magie blanche, parce que plutôt qu'il y a une polarité, selon la vertu de l'ego. Si l'ego est dans une vertu positive, magie blanche. Si dans une vertu négative, magie noire. Si dans une vertu positive, magie blanche, le christianisme, le rituel chrétien, et ainsi de suite. prendre les formes les plus spirituelles. Si l'ego est dans une vertu négative, la magie noire, dans ses façons traditionnelles jusqu'à la sorcellerie qu'on connaît au 15e, 16e siècle, jusqu'à aller à l'acquisition, dans la même coupe, la Belgique. Alors, l'Inquisition, c'était la magie noire et la magie blanche en même temps. C'est de la magie, c'est de la magie. Puis la magie, c'est de la magie. Le mot magie, il faut avoir quand même un certain niveau d'inconscience pour jouer de la magie. Parce qu'on. Mais, tu sais, c'est magique. Quand tu dis c'est magique, ça veut dire si tu fais 2 et 2, ça fait 4. Tu fais 6, tu fais ça, ça va donner tel résultat. Tu comprends ça? Que tu fasses de la magie blanche ou que tu fasses de la magie noire, t'es tout à l'inconscient. C'est ça, je veux dire, c'est ça. C'est simple. Un ou l'autre. Au niveau de l'inconscient. Tout le temps. Oui. Tout le temps. Tout le temps. Parce que tu manipules des tu manipules des forces. Des choses que ça donne. Inconsciemment. C'est ça. Il y a d'autres choses. Exactement. Exactement. L'homme ne doit pas manipuler. L'homme doit canaliser. C'est un peu le principe de l'énergie. Oh! Canaliser, c'est diriger consciemment. Manipuler, c'est vivre inconsciemment. Ouais. Parce que l'homme qui fait de la magie, blanche ou noire, devient le véhicule d'expression de la force. Et l'homme ne doit pas devenir le véhicule d'expression de la force. L'homme doit contrôler la force. Pour la contrôler, il faut être dans la force. C'est la même chose que l'outil. Il ne faut pas que la force soit à l'extérieur de lui. Parce que quand tu fais de la magie, tu penses que les forces sont à l'extérieur. Il faut que tu sois la force. Même principe que l'outil. Et pour que l'homme soit la force, il faut qu'il soit intelligent. Il faut qu'il soit volontaire. Parce que la force est intelligente et elle est volontaire. Sans ça, l'ego est charrié par la force. L'ego est contrôlé par la force. Il y a des gens qui ont été contrôlés par la force. Il y a des gens qui ont été contrôlés par les forces spirituelles. Les saints qui ont lévité. Le nanan des pouvoirs. Alors? Le nanan de ça, c'est des pouvoirs. Le nanan, c'est toujours le pouvoir. Que le pouvoir vienne comme un don, ou que le pouvoir soit le résultat d'un effort quelconque, dans le cas de la magie noire, ou d'un don chez les saints, c'est toujours la même chose. Il faut que l'ego puisse contrôler la force. Mais pour que l'ego contrôle la force, il faut que l'ego soit esprit. Il faut que l'ego ne vive plus au niveau de la réflexion astrale. Il faut que l'ego ne vive plus dans le corps de désir astral. Il faut que l'ego n'ait aucun lien avec lui-même. Il faut que l'ego ne se voit pas. À ce moment-là, la force, ça descend, va descendre, va descendre. Passe par le canal de l'ego pour se manifester en tant que force créative sur un plan inférieur. Ce qui est le but de l'évolution. À ce moment-là, ça sert à quoi de découvrir les lois? Absolument rien. Tu n'as pas besoin de découvrir les lois parce que quand tu es dans l'intelligence, quand tu es dans la conscience, tu les connais les lois. Dans l'instantané du mouvement. Quand tu sais pas que ça existe, à ce moment-là, tu vas découvrir. Ouais, okay. Ouais, t'es poigné avec. Puis c'est ça qui arrive, les gens. Fait que là, tu tombes dans la connaissance occulte, et ainsi de suite. Là, ça va être. Des formes subtiles. Oui, qui sont dangereuses. Parce que justement, elles sont subtiles. Puis l'homme n'a pas l'intelligence pour voir la subtilité des formes. Tu vas voir un gars qui fait de la magie noire aujourd'hui au bout. Là. Combien il y en a dans le détail, des convents dans le détail. Satan, pour eux autres, Lucifer, c'est. Ce sont des formes de haute divinité. Puis eux autres, n'étant pas emprisonnés dans la forme de la divinité positive, n'en souffrent pas. Sont plus dans la forme de la divinité négative. Fait qu'ils ont autant raison que le gars qui va à la messe le dimanche. C'est Exactement. Bon. Avec la tempête d'énergie, tu comprends? Tu peux seulement t'en défaire par l'intelligence qui t'amène à la volonté, qui t'amène à détruire les forces. De quelque façon que tu regardes le phénomène humain, le phénomène évolutionnaire de l'homme, tu es toujours pris dans la dualité. Il faut que l'homme sorte de la dualité. Du bien ou du mal. Autant le bien, autant le mal retarde l'évolution de l'homme. C'est l'action créative qui constitue le pas dans l'avenir. Pas le bien et le mal. Le bien peut se travestir, comme on le sait au cours de l'histoire de l'homme. Les guerres de religion. Aller en guerre au nom d'Allah. On va dire à un arabe que c'est un con. Il va te passer le. Il va te passer le cocon au travail du vent. Il est là le bien. Khomeini. Ce qu'il fait pour son peuple. C'est pour ça que le bien, c'est aussi dangereux que le mal. Parce que le bien fait partie du mal et le mal fait partie du bien. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens ne savent pas que le mal fait partie du bien et que le bien fait partie du mal. C'est un des plus grands secrets cachés à l'homme. Parce que si l'homme connaissait ce secret-là, l'homme ne pourra pas ajuster sa vie émotionnelle et sa vie mentale. L'homme se suicidera. L'homme a besoin d'une polarité parce qu'il pense. Le bien a commencé avec la pensée et le mal aussi. Avant que l'homme pense, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mais lorsque l'homme a commencé à penser, le bien et le mal sont devenus planétaires. Tandis qu'avant, c'était sur les autres plans que ça existait à cette façon.